Comment ça va bien? Bonjour à tout le monde. Ouais. C'est cool, ça marche bien ça. Oui, c'est bien. Youpi. Bon allez, un petit morceau. Voilà, c'est parti. Cool ça. Thank you. Oh bah je suis content de jouer avec toi, Arnaud. Je suis content. Tu me manques. J'espère que tout va bien. Voilà. Et ben voilà. Thank you.

Wait.